éveillez-vous. Hola, oh, ma femme, ma femme, ma femme, c'est moi, maître André, votre époux. La peste soit de l'endormir et la vertu de ma vie. Voulez-vous bien ouvrir les yeux? Moi bien, Jacqueline, mon clair Guillaume. Je devine, vous êtes malade, mon cœur, mais je vais vous soigner. Je vous dis que Guillaume, je veux que vous preniez sur le champ de ce pomme, souverain contre vos douleurs. Parbleu, voulez-vous me permettre à la fin de placer un mot? Guillaume, un clerc qui n'est point sot et qui prend soin de l'honneur de son maître, a vu cette nuit par votre fenêtre un homme se glisser sans bruit. Voilà le fait. Que direz-vous pour vous défendre ?